Audio complémentaire au kakemono, des inégalités de niveau de vie systématique d'ampleur variable. Le niveau de vie correspond aux ressources dont disposent les différentes personnes d'un ménage. Il se calcule en fonction de l'argent que les personnes ont reçu et qu'elles se sont partagées l'année précédente, que ces revenus proviennent de leur travail ou des aides sociales et des impôts qu'elles ont payés. Par exemple, le niveau de vie de 2025 se calcule par rapport aux revenus perçus et aux impôts payés de 2024. Quand le niveau de vie est très faible, on parle de pauvreté monétaire. Pour bien comprendre les inégalités de niveau de vie liées au handicap, il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul seuil à considérer. Le seuil de la pauvreté monétaire est intéressant, mais il peut aussi y avoir des inégalités au-dessus de ce seuil. Par exemple, si les personnes handicapées n'ont quasiment jamais accès aux revenus très importants, c'est aussi une inégalité. Le deuxième aspect, c'est qu'il peut y avoir de grosses différences, même parmi les personnes handicapées. Dans ce kakemono, on se concentre sur un aspect de ces variations, les types et degrés de limitation. On s'appuie de nouveau sur l'enquête statistique sur les ressources et conditions de vie, en examinant en particulier les personnes de 25 à 59 ans, sur la période de 2015 à 2022. Le premier graphique du kakemono s'appelle « Des écarts persistants selon les limitations ». Il s'agit d'une représentation graphique qu'on qualifie parfois de boîte à moustache, car elle se compose d'un rectangle avec, aux extrémités, des lignes longues. Chaque segment de la boîte à moustache a une signification particulière. Le bas et le haut du rectangle représentent des quartiles. Le premier quartile, en bas, c'est la valeur atteinte par au moins un quart du groupe, ce qui représente une personne sur quatre. Le troisième quartile, en haut, c'est la valeur atteinte par au moins trois quarts du groupe, ce qui représente trois personnes sur quatre. Au milieu, la ligne représente la médiane, la valeur atteinte par la moitié du groupe. Enfin, la croix dans le rectangle représente la moyenne. La moyenne est l'indicateur dont on entend le plus souvent parler. Mais il n'est pas toujours le meilleur, car il a tendance à être tiré vers le haut par des valeurs très élevées. Si on a 99 personnes sous le seuil de pauvreté et une personne à 100 000 euros par mois, le niveau de vie moyen du groupe est au-dessus de 2 000 euros par mois, ce qui semble plutôt correct, alors même que le groupe est globalement pauvre. Ce graphique nous apprend que, pour les personnes qui rencontrent des limitations durables dans leurs activités du quotidien en lien avec un problème de santé, qu'on va appeler les personnes handicapées, c'est toute la distribution des niveaux de vie qui est décalée vers le bas. Les plus pauvres des personnes handicapées ont des niveaux de vie plus bas que les plus pauvres des personnes valides, avec à chaque fois des écarts de plusieurs centaines d'euros par mois. Par exemple, avec des valeurs arrondies par rapport aux données visibles, trois quarts des personnes valides de 25 à 59 ans ont un niveau de vie inférieur à 31 000 euros par an, soit 2 600 euros par mois, tandis que trois quarts des personnes avec des limitations modérées ont un niveau de vie inférieur à 28 000 euros par an, soit environ 2 300 euros par mois. Et trois quarts des personnes avec des limitations fortes ont un niveau de vie inférieur à 25 000 euros par an, soit 2 100 euros par mois. Le deuxième graphique, des désavantages variables selon les formes de handicap, nuance ces résultats en classant les handicaps selon le type de difficultés rencontrées, impliquant différentes parties du corps dans l'accomplissement de tâches simples. Par exemple, des limitations auditives si elles ont du mal à entendre une conversation, ou des limitations cognitives si elles ont du mal à se concentrer, etc. Les résultats portent cette fois uniquement sur l'année 2022. De manière générale, les personnes qui ont des limitations ont des niveaux de vie plus faibles que les personnes valides. Mais, dans certains cas, les différences sont très faibles. Par exemple, en cas de limitation auditive modérée. À l'inverse, il y a de gros écarts quand les personnes sont concernées par des limitations motrices fortes, des limitations cognitives, des limitations visuelles fortes ou des limitations multiples fortes. Par exemple, en 2022, une personne sur quatre sans limitation avait un niveau de vie inférieur à 1 600 euros par mois. Une personne sur deux avait un niveau de vie inférieur à 2 200 euros par mois et 3 personnes sur 4 avaient un niveau de vie inférieur à 2 900 euros par mois. Pour les personnes avec des limitations multiples fortes, ces seuils étaient respectivement à 1 100 euros par mois, 1 500 € par mois et 2 000 € par mois. On a, par exemple, un écart équivalent à 700 € par mois entre les médianes des deux groupes. On peut aussi noter que la distribution des niveaux de vie des personnes avec des limitations multiples fortes est bien plus resserrée. Il n'y a que 900 € par mois de différence entre les niveaux de vie du quart le plus pauvre et du quart le plus riche, alors que, pour les personnes sans limitation, il y a 1 300 € par mois de différence entre les niveaux de vie du quart le plus pauvre et du quart le plus riche. En résumé, il existe des écarts de niveau de vie qui sont importants entre les personnes valides et les personnes handicapées. Ce n'est pas qu'une question de pauvreté, ça concerne tous les niveaux, y compris les plus élevés. Et ces écarts sont particulièrement marqués quand les limitations sont fortes, ou de certains types, comme cognitives, visuelles, motrices ou multiples.